بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc par la grâce d'Allah, inshallah, on va, avec sa permission, continuer inshallah l'étude du livre de l'unicité. Et فَنَحْمَدُهُ جَلَّ وَعَلَا وَنَشْكُرُهُ. On loue Allah جَلَّ وَعَلَا, celui qui nous a facilité ses assises en ce mois béni du mois du Ramadan et en ces jours particuliers et bénis qui sont les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et donc نَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ كَمَا نَسْأَلُهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا جَمِيعًا قِيَامَنَا وَصِيَامَنَا. Et on demande à Allah, Jalla wa Ala, qu'il accepte à nous tous nos œuvres pendant ce mois du Ramadan. Donc on va continuer. Donc hier, dans la dernière allocution, on avait terminé l'étude d'un chapitre. Donc l'étude du chapitre concernant Sifat al-Qudra, concernant le pouvoir absolu d'Allah, Jalla wa Ala, et sa capacité. Car Allah, Jalla wa Ala, est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait conclu notre cours avec l'explication de l'invocation qu'on appelle la prière de consultation. Donc le récit du prophète sallam qui renferme la prière de la consultation. Donc on avait parlé dans le dernier cours de la manière de le dire, de cette formule hein, qu'on appelle de consultation. Donc l'essence que renferment les termes mentionnés dans cette formule, donc le sens de cette invocation, à quel moment il faille la faire, cette invocation, comment la faire. Donc on avait appris ça dans les allocutions précédentes. Et le prophète, ensemble dans le récit, nous enseigne de faire deux unités de prière et ensuite de formuler cette formule, de formuler cette invocation lorsque vous consultez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait dit à quel moment on a recours à la prière de consultation, lorsque on est indécis, lorsqu'on est hésitant, lorsqu'on a un choix à faire, lorsqu'on a un projet à entreprendre, on avait donné des exemples à cela, alors le prophète Ansem nous a enseigné la manière de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Différemment aux polythéistes du temps pré-islamique, à l'époque, les polythéistes arabes de la péninsule arabique, que eux revenaient à la consultation, on avait dit, de sortes de flèches ou de baguettes, ce qu'on appelle el-ezlem, et eux, ils consultaient. Hein. Donc, des sortes de baguettes, et ensuite, ils allaient mener à bien le projet ou non. Et donc, pour cela, nous, on avait dit que l'islam est venu libérer les êtres. Donc, l'islam est venu libérer les hommes de ces fausses croyances, de ces choses inutiles et insignifiantes. Et donc, le prophète, sallam, enseignait à ses compagnons que lorsqu'ils voulaient consulter, qu'ils consultent Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans la dernière allocution, on avait essayé de comprendre l'essence de cette formule, et là on a vu que c'était vraiment une invocation qui est immense et qui renferme des sens qui sont immenses. Donc on avait parlé de à quel moment il faille la faire, dire cette formule. On a dit après qu'on ait observé deux unités de prière, et on a dit que pour une même consultation, on peut réitérer la prière. Si la personne y ressent pas, il ne voit pas le fait qu'il a eu une réponse, ou il est toujours dans la complexité, il est toujours dans le doute, dans l'incertitude, est-ce qu'il doit mener son projet à bien ou bien le délaisser. Donc on a dit que les savants, beaucoup de savants considèrent que sur pour une même affaire, on peut réitérer, comme l'a dit Cheikh Ibn Al-Uthaymeen dans son commentaire, on peut réitérer plus d'une fois la prière de consultation. Et il dit ensuite, hein, à ce moment-là, on peut consulter, on consulte une personne douée de raison, une personne douée de sens, de bon sens plutôt, une personne digne de confiance. Et là, donc, on peut consulter, on doit consulter une personne, une tierce personne, Inch'Allah. Ensuite, on avait terminé notre allocution, notre cours, sur différents points qu'a évoqué Cheikh Ibn Al-Uthaymeen concernant la manière dont on peut recevoir une réponse à cette prière de consultation. Et donc, il avait évoqué, on a dit, quatre points. Il avait évoqué à cela quatre points. Premièrement, il avait dit que la personne, il va ressentir une sorte d'apaisement pour l'un des deux choix, par exemple. Donc, il va se sentir apaisé, une sorte de sérénité et de quiétude. Deuxièmement, il avait dit, ça peut se faire à travers un rêve. Hein. Donc, avec un rêve, il va rêver. Et donc, ça va lui apporter une sorte de réponse. Il avait dit, ou sinon, troisièmement, il peut entendre une parole concernant le choix à faire. Donc, il peut entendre autour de lui une parole optimiste, donc une parole qui va dans le sens de l'optimisme, concernant le choix à faire. Et donc, il peut prendre ça en considération. Bon, par exemple, on avait dit quatrième point. Cheikh Ibn Al-Uthaymeen a dit, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, annahu yatayassaru lahu al-wusul ila ahadi al-amrayn wa yata'assaru al-amr al-thani. Il va trouver qu'Allah Jalla wa'ala va lui faciliter l'un des deux choix. Et en effet, s'il trouve qu'Allah Jalla wa'ala lui a facilité cette entreprise, alors il l'amène à bien. Il peut mener cette entreprise à bien. Par exemple, s'il trouve que après qu'il ait consulté, il a vraiment une facilité, donc les portes lui sont vertes, en quelque sorte, alors ça, c'est des signes. À l'inverse, l'autre choix, par exemple, peut-être il va trouver des difficultés, des obstacles. Donc ça, c'est des signes de ne pas entreprendre cette chose-là. Dans tous les cas, dans ce chapitre, on a appris quelque chose qui est immense, c'est la prière de consultation. Et quand la personne il a besoin, alors il consulte Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé aussi en ce qui concerne la femme qui est indisposée en période soit de menstrues, de règles, ou bien en période de loshi. Comment est-ce qu'elle peut faire? On avait donné l'avis de certains savants, certaines fatwas, considérant que elle peut invoquer Allah, voilà, consulter Allah, sans faire les deux unités de prière. Sans faire les deux unités de prière, si ce qu'elle a besoin, si ce besoin-là de consulter est urgent. Donc, si c'est sur une affaire urgente, si c'est une affaire dont elle peut reporter la demande et la consultation, donc elle le fait après qu'elle se purifie de ses menstrues. Par contre, si c'est une demande urgente, donc elle peut consulter sans. On avait dit qu'elle observe ces deux unités de prière. Donc maintenant, on va passer à un nouveau chapitre. Vous allez voir, c'est très pertinent. L'imam al-Bukhari va citer un chapitre qui est très important. Il va citer un sujet parmi les choses qu'Allah Jalla wa'ala fait et que seul lui, subhanahu wa ta'ala, peut faire. Et là, il va nous citer, قال l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, donc après avoir cité le chapitre 1, hein, avoir rédigé le chapitre concernant l'attribut de ce qu'on appelle Al-Qudra, l'attribut parfait d'Allah Jalla qui est Al-Qudra, donc c'était le sujet du chapitre précédent. On passe à l'étude d'un nouveau chapitre où l'auteur dit Babu Muqallib Al-Qulub, Babu Muqallib Al-Qulub, chapitre concernant celui qui tourne les cœurs, une traduction relative approximative, chapitre concernant celui qui tourne les cœurs. Wa qawlullahi ta'ala. Ensuite, l'imam al-Bukhari va mentionner le verset 110 de Sourate al-An'am. Donc, après qu'il ait mentionné l'intitulé du chapitre, donc le titre hein, et l'intitulé de ce chapitre, c'est Babu Muqallib al-Qulub, chapitre hein, celui qui tourne les cœurs. Ensuite, il va mentionner le verset 110 de la Sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux. Lorsqu'Allah dit en traduction relative, car nous pourrions détourner encore leur cœur et leurs yeux. Nous détournons leur cœur et leurs yeux. En une traduction relative de sens de ce verset. Donc là, c'est un chapitre qui est très important et un sujet très important. L'imam al-Bukhari ici nous fait part qu'Allah Jalla est celui qui tourne les cœurs. Il confirme cela avec le verset qu'on vient de citer précédemment, le verset 110 dans Sourate Al-An'am. Muqallib al-qulub. Muqallib al-qulub. Quel est le sens de celui qui tourne le cœur? Donc, comme on l'a dit précédemment, ça, c'est quelque chose de spécifique. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va l'apprendre ici. Donc, c'est pour ça que l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous dit que cela ne convient à personne. On ne peut l'attribuer à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الَّذِي يُقَلِّبُ الْقُلُوبُ. C'est lui qui tourne les cœurs. لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَهْمَا كَانَ لَا يُمْكِنْ أَنْ يُقَلِّبَ أَحَدٌ قَلْبَهُ. Parce qu'il dit, il est impossible pour un individu, pour n'importe qui, hein, de pouvoir tourner, détourner son cœur. Personne n'a a ce pouvoir. Ce pouvoir n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, le pouvoir de tourner les cœurs. Donc, quelle que soit la place, le rang de cette personne, de cet individu, personne ne peut tourner les cœurs. Donc, la personne elle-même ne peut pas tourner son propre cœur ou bien détourner son propre corps. Cœur, pardon. والمراد بتقليب القلوب ليس تقليب الحس بأن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منه الجانب الأيسر. Maintenant, le sens. Maintenant, chacun va se poser la question. Lorsqu'on traduit de manière relative, qu'Allah Jalla est celui qui tourne les cœurs, quel est le sens de cela? Le sens de cela, il ne faut pas comprendre selon le sens qu'on pourrait dire qui est hissi en arabe, hissi, perceptible. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala tourne le cœur, il le change de position, par exemple. An yaj'ala a'la al-qalb asfalahu. Par exemple, la partie supérieure du cœur, Allah la mettra et la changera en la partie supérieure. Aw al-janib al-ayman minhu al-janib al-aysar. Ou bien changer le côté droit par rapport au côté gauche. C'est-à-dire tourner le côté droit et qu'ils prennent la place du côté gauche, ou bien le côté gauche qui prenne la place du côté droit, ou bien l'aspect supérieur ou le côté supérieur du cœur qui prenne la place du côté inférieur. C'est pas ça le sens. Donc c'est pas ça le sens, et c'est pas comme ça qu'il faille le comprendre. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer. Lorsqu'on dit qu'Allah Jalla Wala est celui qui tourne les cœurs, ou le murad bi taqlib al qulub taqlib wujahat al nazar yani yahim al insan bi shay thumma yaqlib Allah hammahu ila shay'in akhar yahim bi sayyi'at thumma yaqlib Allah hammahu ila hasana aw bil aks wa yudhkar an a'rabiyan qul aw qila lahu yudhkar an a'rabiyan qila lahu bima 'arafta rabbak qala bi sarf al himam yani an Allah huwa alladhi yasrif al himam. Et le sens alors à comprendre, c'est quoi? C'est qu'Allah Jalla peut tourner l'orientation, la vision, ou bien la réflexion de ce cœur, dans le sens. Yarni, il va donner l'exemple, il va dire, c'est-à-dire que la personne, il a l'intention de faire une chose, ensuite Allah va tourner, détourner cette intention. La personne, il a la volonté, l'intention de faire une chose, ensuite, Allah Jalla wa Ala peut détourner cette attention et cette volonté-là. Par exemple, la personne, pour mieux comprendre, il va donner un exemple clair. Hein. Il dit, la personne a l'intention de commettre une mauvaise action. Allah peut tourner cette intention-là et cette volonté-là du fait qu'ensuite, il va avoir l'intention et la volonté de commettre ou bien de faire une bonne action. Une hasana. Ou bien l'axe, ou bien l'inverse. La personne, il avait la volonté et l'intention de commettre une bonne action. Ensuite, ça peut être détourné vers le fait de commettre une mauvaise action. C'est pour ça qu'il dit, il est évoqué qu'un jour, un bédouin avait dit, alors qu'il lui avait été dit, lui avait été posé une question, Bima arafta rabbek. Un bédouin, un jour, il lui a été dit, comment as-tu connu ton Seigneur? Alors il a répondu, Qala bisarf al-himam. Bisarf Al-Himam, je l'ai reconnu du fait qu'il change et tourne, détourne les intentions et les volontés. Yani anna Allah huwa alladhi yasrifu al-Himam. C'est-à-dire que c'est Allah, Jalla wa Ala, qui peut transformer, changer les volontés et les intentions. On comprend de là qu'une personne, Il peut avoir l'intention de faire une chose, il peut être résolu hein, et déterminé à faire une chose. دايما الانسان يهم بشيء ويجزم به فاذا به تنصرف همته الى شيء اخر بدون سبب ظاهر. Cette personne, elle est décidée, déterminée de faire une chose. Ensuite, tout d'un coup, on voit que sa détermination se transforme. Elle change. Et là, la personne décide de faire autre chose. Alors qu'au départ, il était décidé, il était résolu, il était déterminé à faire telle et telle chose, on voit qu'à la fin, son attention change. On voit qu'à la fin, alors, il est résolu, il est déterminé de faire autre chose. Et de ce fait, on comprend que les cœurs peuvent être tournés. Et c'est ça le sens, le fait de dire qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui tourne les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Et donc, man il l'a dit, sarafahu an, donc quand la personne il est décédé, résolu, il avait l'intention de faire une chose, il avait cette volonté-là. Si cette volonté change, qui est-ce qui a changé cela? Innahu Allah Azza wa Jal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik, pourquoi? Parce que c'est lui qu'on dit qu'il est muqallib al-qulub. Muqallib al-qulub, hu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlilillahu fala hadiya lah. Celui qu'Allah Jalla wa ala égare, tu ne trouveras point de guidé pour lui. Traduction relative. Wa man yahdillahu fahuwa al-muhtad. Et celui dont Allah Jalla wa ala a guidé, c'est lui le bien guidé. Fala yumkin li ahadin an yuqalliba qalba ahad. Donc il est impossible, il n'est pas possible qu'une personne puisse tourner le cœur d'une autre personne ou bien tourner son propre cœur. Li anna muqallib al-qulub huwa Allah. Parce que celui, comme on l'a dit précédemment, qui tourne les cœurs, c'est Allah. Fahada wasfun la yasihu illa lillah. Et là, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous dit, et cette description-là, cet attribut-là, n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui est spécifique à lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de ses actions, jalla, jalalu. Fa'in qala qa'il, alaysa l'insan yahimu bishay, fayatihi shakhsun, wa yushiru alayhi, wa yubayyinu lahu, alwijhata s-sahihata allati yaraha, thumma yatahawwal. نقول بلى لكن من الذي جعله يتحول الله عز وجل وربما يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول فالأمور كلها بيد الله عز وجل. Et Cheikh pose une question, il dit, on pourrait dire par exemple, une personne pourrait poser la question en disant, mais si par exemple un individu avait l'intention de faire une chose, ensuite il y a une personne qui vient et en quelque sorte va l'influencer, il va lui faire montrer autre chose. Par exemple, qui pourrait être meilleur, il lui clarifie en lui indiquant autre chose qui est meilleure. Et là, l'opinion et la volonté, l'intention de la personne change et se transforme et il va faire autre chose. Naqul balam, naram. Une personne peut avoir une influence sur notre personne, de sorte qu'il peut lui indiquer une chose de meilleure. Bala, walakin man illadhi ja'alahu yatahawwal. Mais qui est-ce qui a fait que son cœur s'est tourné dans le sens qui est-ce qui a fait que cette personne ensuite, eh ben, dans son cœur, il a eu l'intention de faire autre chose et la volonté de faire autre chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'une personne, on peut lui indiquer une autre chose. On peut lui indiquer autre chose. On peut lui indiquer, par exemple, une chose qu'on voit meilleure. Donc, on peut l'orienter vers autre chose. Mais ce n'est pas dit que cette personne ensuite va transformer son intention et va changer de volonté et d'intention et donc faire autre chose. Ce n'est pas dit. La personne peut vouloir changer son intention comme elle peut rester décidée, déterminée et résolue à faire ce qu'elle voulait entreprendre. Fal umur kulluha biyadillah. Tandis qu'Allah Jalla wala, c'est lui qui transforme ces intentions-là et ces volontés-là qu'il y a dans les cœurs de ses serviteurs et dans les cœurs des individus. Donc cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'auteur lui-même, lorsqu'il dit chapitre, muqallibil qulub, chapitre concernant celui qui tourne les cœurs, il a mentionné le verset 110 de Sourate Al-An'am, où Allah stipule bien, wa nuqallibu af'idatahum wa basarahum. Et nous changeons, nous transformons, nous détournons leur cœur et leurs yeux. On va l'expliquer ensuite dans ce qui va suivre. Afidatahum, c'est-à-dire ay qulubahum, c'est-à-dire leur cœur, Allah est celui qui change, hein, qui transforme. Afidatahum, leur cœur, wa abasarahum. Abasarahum, c'est le pluriel de la clairvoyance. C'est le pluriel de Al-Basira, pour cela que c'est traduit par ce qu'il voit. Et ça, on va l'expliquer dans ce qui va suivre. Donc, ce qu'il faut savoir que, comme on l'a dit précédemment, ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de détourner les cœurs. Et là, on a cité le sens, on a compris maintenant quel est le sens, le fait de que les cœurs soient tournés. C'est pas dans le sens perceptible qu'il faut le comprendre, mais le sens qu'on a évoqué précédemment. Et à savoir que, comme il est dit dans un récit qui est rapporté par Ibn Majah et qui a été authentifié par Sheikh al-Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans sa correction de Sunan Ibn Majah, nous a rapporté un hadith d'Abu Moussa où le prophète, sallam, Abu Moussa dit que le prophète, sallam, a dit Mithl al-qalb, mithl al-rish, tuqallibuha al-riyah bifalah. Le prophète a dit l'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans un désert. Regardez, c'est un hadith qui est vraiment immense, où le prophète nous dit que donne un exemple, et nous dit l'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans un désert. Donc le cœur, c'est comme une plume. Et il peut tourner comme la plume. C'est-à-dire, c'est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans un désert. C'est le même exemple. Vous avez vu comment cette plume, les vents la font tourner dans un désert. Eh bien, le cœur, il est à l'exemple de cela. Et c'est pour cela que il nous est rapporté dans le hadith célèbre de Anas ibn Malik que le prophète sallam disait fréquemment, il multipliait cette demande, cette invocation. Donc cette invocation, surtout pendant les 10 derniers jours du Ramadan, par exemple, en cette occasion-là et dans d'autres occasions aussi, il faut toujours la dire fréquemment, puisque le prophète sallam, celui qu'Allah avait guidé, celui qu'Allah a choisi pour transmettre son message, le prophète ne cessait de dire, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Regardez, alors que c'est le messager d'Allah. Et jusqu'à ce qu'il fût interrogé, le messager d'Allah, alors il dit au prophète, au messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce qui et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous, au messager d'Allah? Regardez comment ils ont interrogé le prophète. As-tu peur pour nous? Alors le prophète leur a dit, oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Et c'est lui qui les fait tourner comme il le veut. Et ce hadith aussi, il est jugé bon par et authentique par Sheikh Al-Albani. Il est rapporté dans les sunnahs de At-Tirmidhi. Donc regardez, le prophète a multiplié cette invocation. C'est pour ça qu'il faut multiplier cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Affermis mon cœur sur ta religion. Et regardez les compagnons alors. C'est pour ça qu'un jour, le messager d'Allah, ensuite, il fut interrogé. Nous avons cru en toi. Et en ce qui est avec toi, ce qui est venu avec toi, as-tu peur pour nous, messager d'Allah? Et le prophète sallam a dit, oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Donc à ce moment-là, regardez, cet enseignement est grand du fait que si on a compris cela, si le croyant comprend cela, donc la guider, il faut l'implorer. À Allah, c'est à Allah qu'il faut implorer, c'est à lui qu'il faut la demander. Et de savoir que rien n'est gagné. Que la personne, rien n'est gagné. Vraiment, vraiment, rien n'est gagné pour l'individu. Donc le bénéfice et les bénéfices qu'on va tirer de cet enseignement, c'est que la personne alors sait qu'il doit s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala et constamment implorer Allah et demander à Allah jalla wa ala, la guider et le bien. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui tourne les cœurs. Et la personne, il peut se voir guidée dans l'adoration d'Allah pendant des années, une grande partie de sa vie, et peut-être à la fin, il peut connaître une mauvaise fin. Comme une personne, il pouvait peut-être ne pas être dans l'adoration d'Allah pendant une grande partie de sa vie, et à la fin, il peut connaître une bonne finalité. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la personne, c'est pour cela, constamment, il doit s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment, il doit demander la bonne finalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les actions valent selon leur finalité. Toutes les œuvres, elles valent selon leur finalité. Innal a'mal bil khawatim. Certes, les actes valent selon leur finalité, c'est-à-dire c'est la fin qui compte. C'est pour ça qu'il faut implorer constamment Allah jalla wa ala an yuhsina khitamana wa khatimatana. Il faut toujours implorer Allah qu'il fasse que notre finalité sera bonne et que la personne, il va quitter cette vie d'ici-bas dans la meilleure de la meilleure des manières, que sa finalité soit la meilleure et que la personne ait toujours le bien dans son cœur. Donc celui qui tourne les cœurs, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut le faire à sa place. Donc la personne ne peut pas être cause, ne peut pas guider les cœurs des autres. La personne ne peut pas changer ce qu'il y a dans les cœurs des autres. Mais celui qui le peut, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a ce pouvoir et cette capacité. Regardez le lien qu'il y a avec le chapitre précédent, lorsqu'on a parlé du pouvoir absolu d'Allah et de la capacité d'Allah de tout faire. Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, et que cela n'appartient qu'à lui. Regardez, on apprend à présent que parmi ses pouvoirs, parmi ça, ce qui rentre dans sa qudra, parmi les choses dont Allah Jalla est le seul à pouvoir et être capable de faire, tourner les cœurs des croyants, tourner les cœurs des individus. Donc on a expliqué le sens. La personne, par exemple, il a une volonté, il a quelque chose dans son cœur. Allah Jalla peut tourner cela et changer cette volonté. Et cette volonté peut se transformer. Comme a donné l'exemple Cheikh Ibn Al-Thaymin, en disant que la personne, il peut avoir l'intention de faire une mauvaise action. Ensuite, cette attention-là, cette volonté-là de commettre cette mauvaise action, elle peut être transformée en volonté de vouloir faire l'inverse et donc faire une bonne action. Ou bien l'inverse, la personne a l'intention de faire une mauvaise action, Allah peut tourner cela et à la fin, il va faire une mauvaise action. Donc c'est pour cela de savoir que la personne, il ne doit pas se vanter, il ne doit pas s'enorgueillir et qu'il sache qu'on ne peut pas, à ce moment-là, juger les autres. Et la personne, il doit se concentrer sur son propre hal, sur sa situation à lui. Il doit implorer Allah, Jalla wa ala, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din, et qu'il doit constamment implorer Allah, oh celui qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, sur ta religion. Et ça, c'est très important. Surtout que, comme on l'a dit précédemment, le cœur dans le hadith est comparable à une plume. À une plume que les vents du désert peuvent détourner. Alors imaginez-vous une plume légère dans le désert avec des vents du désert qui peuvent détourner cette plume. On est dans une époque difficile pour le croyant. Regardez l'environnement dans lequel vit le croyant. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'environnement n'est pas propice et ne pousse pas, n'encourage pas la personne à adorer Allah, comme on l'avait dit dans les allocutions précédentes. On a dit, on est dans un monde, avec la mondialisation, on est dans un monde où les gens sont devenus matérialistes et on a vu que les gens ont été détournés de l'adoration du Seigneur. Regardez même, par exemple, si vous regardez, même les cimetières, le rappel, par exemple, de la mort, tout ça, c'est quadrillé. Il y a des enclos, il y a des murs qui ont été faits pour que même les gens ne voient pas les morts et ne voient pas les cimetières, pour que les gens n'aient pas le rappel de la mort, le rappel de l'au-delà. Alors que le prophète sallam disait, rappelez-vous constamment la mort, celle qui détruit les plaisirs. Donc, اكثروا من ذكر هادم اللذات, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu, l'environnement dans lequel on vit à l'heure actuelle, ce n'est pas un environnement qui encourage à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais plutôt c'est un environnement qui encourage à l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas et que tous nos projets soient l'obtention de cette vie d'ici-bas. C'est pour ça, dans la sourate, regardez, lorsqu'Allah dit « Al-hakumu takathur, hatta zurtumul maqabir, al-hakumu takathur » Allah nous parle de la course à l'abondance, la course aux richesses. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Donc les gens sont dans une sorte de course à la richesse, dans une course à l'abondance. Et cela jusqu'à ce qu'ils vont visiter les tombes. Et Allah dit que là, ils comprendront. Et là, ils sauront très certainement. Là, ils sauront la vérité très certainement. Et pourquoi je dis cela? Parce que, comme on le sait, l'être humain, il est influençable. Donc l'être humain, il est influencé par les autres. Et l'être humain, l'environnement dans lequel il vit, cet environnement-là a un impact sur sa personnalité, un impact sur sa manière de vivre, un impact, peut avoir un impact sur lui. Donc c'est pour ça que l'être humain, du fait qu'il est influencé, eh ben cette société dans laquelle il va vivre, va avoir une grande influence sur lui, va avoir un grand impact sur lui. Et de ce fait, le fait de vivre dans un monde où ce monde-là, dans des sociétés où cette société n'encourage pas l'adoration du Seigneur, n'encourage pas la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'encourage pas à la prière, n'encourage pas à penser à l'au-delà, n'encourage pas à préparer sa vie future, alors là, il faut vraiment implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque beaucoup de gens ont été influencés par cela. Et on a vu que cet environnement, l'être humain, il est impacté par l'environnement dans lequel il vit. Ça, c'est très important. Regardez, l'environnement ne pousse pas, Talab al-ilm, ne pousse pas à être en quête de savoir. L'environnement ne pousse pas à apprendre, mémoriser le Coran, mémoriser les hadiths du prophète, ensemble, ne pousse pas à la piété. Regardez, la majorité des gens ont été détournés. La majorité des gens ont été influencés. Même des gens de notre communauté, les musulmans, ont été impactés et influencés par cet environnement-là. Jusqu'à ce qu'on voit que beaucoup de gens ont succombé. Et beaucoup de gens, elle fil fitnati saqatou. Beaucoup de gens sont tombés. Et c'est pour cela que c'est vraiment un rappel. Celui qui peut nous protéger de ces dérives, celui qui peut nous protéger de cet égarement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette mauvaise influence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui tourne les cœurs. C'est Allah jalla wa ala aussi qui guide les cœurs subhanahu wa ta'ala. Donc face à cette réalité, hein, face à cela, la personne, il a besoin de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui peut nous protéger subhanahu wa ta'ala. C'est lui, alors que la chose est complexe et difficile, surtout à une période où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire va venir une époque où patienter avec sa religion, ça sera comme le fait de tenir une braise ardente. Imaginez-vous la difficulté. Alors là, on est vraiment dans une époque où la personne a vraiment, et en n'importe quelle époque, en n'importe quel lieu et temps, la personne a besoin de s'orienter vers son Seigneur, a besoin d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le cas du prophète, ensemble. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Il répétait cela fréquemment, le prophète le disait. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Regardez, les compagnons ont compris cela, le sens de cela. Pour ça, ensuite, le prophète fut interrogé. Mais ya Rasulallah, as-tu peur pour nous? Alors qu'on a cru en ce qui est venu avec toi, en ce que tu as rapporté? Et là, le prophète n'a pas dit non, je n'ai pas peur pour vous, mais il a dit oui. Le prophète a répondu par l'affirmative qu'il avait peur pour eux. Donc ça, c'est à l'époque du prophète. Donc regardez bien se rappeler ça, que le prophète a comparé, eh ben, le cœur à une plume, hein, et vous voyez l'effet des vents dans un désert, hein, l'effet qu'il a sur la plume. Donc c'est comme si que la personne, il y a une fragilité, il a besoin de son Seigneur. Donc la guider, c'est Allah Jalla wa Ala qui l'octroie, ça fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala ait octroyé à ses serviteurs, et dont il a comblé ses serviteurs. Donc la personne, surtout en ces jours, en ces derniers jours du mois du Ramadan, doit redoubler d'efforts de demander à Allah subhanahu wa ta'ala constamment al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Fa nas'al Allah Jalla wa Ala, Allahumma inna nas'aluk الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك